Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture, où aujourd'hui, nous n'allons pas parler ni d'un roman, ni d'un témoignage, mais nous allons parler méthode d'écriture avec Shiva Jeyabalan. Bonjour Shiva. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans les studios de la radio. Et donc, nous allons parler de ton livre qui s'appelle « L'écriture pour se réinventer », qui est sorti en mai 2024. C'est ça. Pour parler plus précisément de la méthode Scriptomantis. C'est ça, exactement. Alors, Shiva, comme tous les invités qui sont passés dans les studios de la radio pour Caprice de lecture, il va y avoir quatre grandes questions. On va parler essentiellement du livre, mais aussi de toi, c'est très important. Et puis, pour terminer, tu nous parleras effectivement de ton actualité, littéraire ou pas. Okay. Mais on aura le temps d'y revenir. Ça marche. Alors, Shiva, première question. C'est un livre en quatre parties. Tu donnes une direction, des conseils sur des formules d'écriture ou comment mener à bien un travail d'écriture, plutôt. Comment est né ce livre? Comment, un jour, tu te dis, il faut que j'écrive, il faut que je donne une méthode pour concrétiser un travail d'écriture? Alors, du coup, ça sera un tout petit peu long, peut-être. C'est que bah, comme chaque fin d'année, et un peu comme tout le monde, j'écrivais moi aussi mes objectifs, les intentions que j'ai pour pouvoir accueillir cette nouvelle année. Ouais. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... tout ce que j'avais écrit, en fait, commençait à peu à peu s'estomper au fil des mois et commençait même parfois à s'effacer. Comme quand on se décide à faire du sport le 1er janvier, on dit « allez, je me mets justement, au sport ». J'avais exactement cette... Et le 15 exemple. Janvier, on a déjà oublié qu'on a dit exactement. Ça le 1er janvier. Ben justement, j'avais cet exemple-là en tête. C'est que, je commençais à peu oublier. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'avait beaucoup intriguée. Je me suis demandé peut-être que ça me concerne que moi et que... finalement, en fait, on est beaucoup plus nombreux à être concernés par ce, on va dire, phénomène. Ouais. Je peux justement donner cet exemple de la salle de sport où il y a un très, très fort engouement en début d'année, du coup, janvier, février. Et peu à peu, on retrouve de moins en moins de personnes à la salle de sport. Et il y a même une étude qui a été faite par rapport à ça, c'est qu'ils nous disent que 50% des personnes qui s'inscrivent à la salle de sport en début d'année... Oui. Se désabonnent, enfin, abandonnent, ouais, c'est ça, abandonnent leur abonnement dans les 3-4 premiers mois de cette même année-là. Et 4 mois, c'est déjà long depuis le 1er janvier. C'est ça, exactement. C'est, on va dire, les plus... les plus tenaces, c'est voilà. Et donc, voilà. Je commençais à me questionner, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cerveau? Et surtout, pourquoi l'élan, en fait, du départ... s'efface et alors que notre intention initiale était sincère. Oui. Et donc voilà, je commençais à un peu me former sur ce sujet, notamment à travers des études et des revues qui ont été faites en neurosciences. Donc tu commences à faire des recherches. C'est ça. C'est un sujet qui te parle. C'est ça. Je voulais en fait vraiment terminer avec les listes à rallonge d'objectifs. Oui. Et je commençais à en avoir marre. Je me suis dit, bon, à chaque fin d'année, je me dis, rebelote, je vais réécrire les mêmes objectifs. Et en plus, on se culpabilise parce qu'on dit, ah ouais, non, ça, j'ai pas fait, j'aurais dû, ça, j'ai pas trouvé le temps. Exactement. Alors, voilà. Je pense que c'était en 2017, fin d'année 2016, j'avais écrit que je voulais faire de la boxe. Mais j'ai jamais... jamais même enfilé des gants de boxe. C'est ça, exactement. Bon. Et donc, ouais. Juste pour terminer, peut-être, pour continuer, c'est voilà, je commençais à me former sur ce sujet, etc. Et c'est à ce moment-là, j'étais tombée sur... vraiment, en fait, pour comprendre comment expliquer ça. C'est que pourquoi on oublie? Oui. On oublie nos objectifs parce que notre cerveau n'est pas, comment dire, conditionné pour maintenir des intentions qui sont abstraites et sans structure. D'accord. Et en fait, ils disent aussi qu'on a environ 60 000 pensées dans une journée. Oui. Donc, quand tu ne donnes pas... quand tu donnes aucune structure... Et que tu nourris pas. C'est ça, quelque part. Par la suite, voilà, ouais. Exactement. Bah, en fait, peu à peu, bah, tu les oublies et ça passe sous le tapis. Et au mois de mai, et bah, c'est déjà c'est oublié. C'est ça, exactement. Et surtout qu'en fait, notre train de vie, notre quotidien, oui. Les impératifs qu'on a... Ça vient brouiller un peu tout ça, je trouve. C'est ça. Il y a toujours des urgences, des impératifs, exactement, des trucs. Exactement, et du coup, bah, en fait, bah, t'oublies ouais. Ce que tu t'es noté le 31 décembre. Exact, exact. Et donc, voilà, c'est... Bah, pour continuer, Scriptomentis, c'est vraiment en fait cette alliance qui permet de passer de la prise de conscience à l'action concrète. Okay. Et comment je suis tombée sur ça, c'est que voilà, bah, je me suis dit, ok, il y a les objectifs qu'on oublie peu à peu. Et aussi, en fait, en parallèle, je commençais à comprendre ce que c'était réellement d'écrire à la main. Du coup, l'écriture manuscrite. Okay. C'est que on écrit depuis qu'on est tout petit, enfin à l'école, etc. Mais en tout cas, moi, on m'a jamais appris qu'en fait, ça a regorgé énormément de bénéfices, de bienfaits, en tout cas pour notre bien-être et bah, pour aussi garder, comment dire, les objectifs au fil du temps. Donc, alors si j'ai bien compris, alors personne ne nous apprend. Oui. Quel bien-être ça apporte, ça c'est sûr. C'est ça. Mais surtout, moi ce que je crois comprendre, c'est parce qu'on écrit à la main, on est plus imprégné peut-être de nos intentions. C'est ça. C'est ça. Donc, comme ce que j'avais écrit okay. Dans le livre, oui. En fait ça réactive un peu le corps et surtout la conscience, la mémoire. Okay. Voilà, en fait il y a vraiment tout plein de, on va dire, comment dire, de bénéfices qu'on ne nous apprend pas. Ça peut être... je ne veux pas trop rentrer dans les termes, oui. On va dire, scientifiques. Mais par exemple, tu vois, ça peut activer le cortex préfrontal qui est impliqué dans... Enfin, qui gère, par exemple, l'organisation ou bien la planification. Tu as aussi l'hippocampe qui est un peu plus oui. À l'intérieur, voilà, du cerveau qui gère, en fait, tout ce qui est la mémorisation, la consolidation des informations. Et en fait, tout ça... Ça crée une intégration beaucoup plus forte entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on projette de faire. Donc concrètement, le 31 décembre, je fais ma liste de 3 bonnes résolutions. Lire plus de livres. Moi, je vais avoir du mal parce que je lis tout le temps, mais lire plus de livres. Commencer le running, par exemple, et puis partir dans tel lieu de vacances, imaginons. Mm-mm. Si je l'écris à la main... D'accord. Et que je peux même me le répéter en l'écrivant de manière manuscrite. C'est ça. Par exemple, moi, j'écris très souvent, enfin, du coup, chaque matin, mes objectifs, ouais. En tout cas, enfin, ma to-do list que j'ai pour la journée et les objectifs que je me suis fixés l'année, le mois, enfin, voilà. Et, okay. Et ça marche. En tout cas... Pour toi, ça marche. Ça a fonctionné, voilà. Pour toi, ça marche. Donc, c'est quand même la naissance du livre... part d'une expérience personnelle. Tu te rends compte que t'es pas toute seule dans ce cas-là. Mmh. Et du coup, ouais, largement partagé voilà. Aussi. Voilà, et puis du coup, tu te dis, mais pourquoi on n'y arrive pas quand même? Et donc, tu commences à rechercher, et là, et c'est l'issue de ma deuxième question, ouais. Le concept du scriptomentis. Moi, je vais reprendre un paragraphe que tu as écrit, parce que je trouve qu'il est vraiment révélateur de ton livre. Écrire, c'est plus qu'un simple geste, c'est une manière de prendre position. Face à soi, face à ses idées, face à ses envies. C'est décider de ne plus laisser ses pensées en suspens, mais de leur donner une direction. Pour cela, il faut oser regarder ce qui bloque, nommer ce qui freine et remettre du mouvement là où tout semblait figé. Et je me suis dit, mais en fait, elle a résumé son livre dans ces 5 lignes. Parce que c'est vrai que... On se cache un peu derrière ça, en se disant, on n'a pas tenu une résolution, puis on se dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, personne s'en souviendra. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on bloque. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner les sources de Scriptomentis? Les sources L'origine de Scriptomentis. Déjà, pour commencer, enfin pour un peu décortiquer le mot, et surtout pourquoi en latin. Enfin, peut-être que, bah oui. je sais pas, peut-être que tu t'es posé cette question. Oui. Déjà, en fait, il y a eu plusieurs... Enfin, quand, en tout cas, je voulais trouver un terme, il y a eu plusieurs pensées qui sont passées par la tête. Donc, déjà, pourquoi un mot d'origine latine? Parce que c'est quand même une langue, on va dire, fondatrice, qui est à l'origine de notre façon de penser, aussi structurer le langage et le sens aussi. Et surtout, du coup, scripto qui veut dire... Enfin, qui renvoie à l'acte d'écrire... Ouais. Et mentis, du coup, qui renvoie à tout ce qui est l'état d'esprit, okay. Le mental, etc. Ouais. Donc voilà, j'ai voulu combiner ces deux mots-là. Et aussi, en fait, le latin, je trouve que ça apporte une dimension intemporelle. Et je ne voulais pas un concept ou bien une méthode marketing qu'on peut retrouver un peu partout. Et, les sept clés du bonheur, alors qu'en fait, il n'y a pas de clé. C'est pas, bref, voilà. Exactement. Vivre sereinement avec son corps, bah, non, il n'y a pas de clé. C'est non, ça. Et du coup, je voulais en fait juste que ça renvoie un système qui repose sur des mécanismes humains fondamentaux. Ouais. Et du coup, qui sera valable... quelle que soit l'époque. Parce que ça peut être intergénérationnel en plus. Tu vois, tu peux proposer ça à un jeune adulte de 17-18 ans, comme à une personne qui sera beaucoup plus âgée, de 70 ou 75 ans, qui a peut-être envie soit d'écrire des choses personnelles ou de transmettre quelque chose. Mm-hmm. Et moi, j'ai trouvé la méthode hyper intéressante pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas souvent les bouquins là, qu'on disait, les 7 clés du bonheur ou je ne sais pas quoi. C'est souvent les gens entre 35-45 qui lisent ça parce qu'on ne sait plus trop, parce qu'on est noyé dans tellement d'urgences et de trucs. C'est ça. Mm-hmm. Alors que là... c'est propre, c'est clair, il n'y a pas de marketing, il y a un sommaire, il y a des points précis, on se laisse emmener. Et surtout l'écriture, ça parle à une personne, je ne sais pas, qui a 10, 15, 20 ans, tout comme qui a la cinquantaine, 60, 70 ans. Par exemple, on peut même, il y a un psychologue qui a justement travaillé sur... sur ce sujet-là. Ouais. Il dit qu'en fait... écrire à la main, ça permet de ralentir le flux mental, mettre des mots sur des peurs, des colères, enfin, en tout cas, voilà, plusieurs émotions qu'on a. Ça t'est peut-être aussi déjà arrivé de, par exemple, prendre une petite feuille quand t'as envie de, coucher tes mots, tes pensées. Ou quand j'ai une décision importante à prendre, je prends une feuille, je la coupe en deux. Là, je me pose la question et je dis c'est quoi les plus, c'est quoi les moins. C'est ça. Et en écrivant, c'est incroyable ce qu'on... En fait, ça débloque... Ce qu'on débloque et ce qu'on évacue. Et du coup, ça permet de prendre aussi un peu de distance. C'est ça. C'est moins étouffé. C'est ça. Alors, on va faire une première coupure musicale de ton choix. Peux-tu nous dire laquelle elle est et pourquoi ce choix? Lana Del Rey, Trails. Okay. C'est une musique qui m'apaise quand je... Quand t'en as besoin. Quand j'en ai besoin, voilà. Alors, on découvre Lana Del Rey tout de suite et on revient juste après pour la deuxième partie d'émission. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Take out your turquoise and all of your jewels. Go to the market, the kids swimming pools. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my Cancer is Sun. You won't play, you're no fun. Well, I don't care what they think. Drag racing my little red sports car. I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister just playing it cool under the chemtrails over the country club. Meet you for coffee at the elementary school. We laugh about nothing as the summer gets cool. It's beautiful how this deep normality settles down over me. I'm not bored or unhappy, I'm still so strange. Watching the camera. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Shiva Jeyabalan pour son livre L'écriture pour se réinventer. Un livre absolument incroyable, un ovni dans le paysage littéraire, mais quel ovni que tout le monde devrait avoir entre les mains. Alors Shiva, je vais reprendre encore une citation de ton livre que j'ai beaucoup aimé. C'est « Écrire, c'est donner vie à l'invisible ». Formule à la fois poétique et très concrète. Est-ce que c'est un cheminement spirituel ? Donner vie à l'invisible. Je me dis, mais pour qu'elle écrive ça ou pour qu'elle pense ça, il y a eu tout un cheminement derrière. C'est un peu comme ce que j'avais dit au début. Il y a tellement, comme je t'avais dit, il y a tellement de pensées fugaces qu'on a aussi, qui sont complètement abstraites. Le fait de les rendre visibles. Est-ce que ça les rend plus concrètes, du coup ? C'est ce qu'ils disent aussi scientifiquement. Parce que je me dis, si on écrivait tout ce qu'on pense, par exemple, je sors d'ici, je pense qu'il pleut, je pense que je suis en retard, je pense que je dois être à tel endroit. Après, tu ne peux pas prédire la météo ou quoi que ce soit. Mais si on écrivait tout ce qu'on pense à l'instant T, on pourrait remplir des cahiers et des cahiers. Des cahiers. Mais en tout cas, ça, c'est plus pour t'aider à concrétiser des objectifs. Ouais. En tout cas, voilà. Alors justement, un autre passage justement du livre, en page 91, tu nous interroges, Shiva, en disant « Et si chaque matin, on prenait un instant pour se poser cette question, quelles sont les trois actions les plus importantes que je peux accomplir aujourd'hui ?» C'est quoi une action importante ? C'est en fonction de soi ? Oui, c'est entièrement en fonction de la personne. Par exemple, moi, ça se trouve que ça serait peut-être de faire du sport, de terminer cette tâche, etc. Enfin, qui me semble moins importante. Peut-être que toi, à tes yeux, ça sera complètement autre chose ou du moins moins important. Ouais. Ok. Et du coup, en se posant cette question, parce que je pense que c'est aussi l'objectif du livre, ça nous permet aussi d'écrémer un petit peu tout ce qui est parasite. Tu te dis, finalement, cette tâche-là a moins d'importance, donc je préfère me focaliser sur tel événement, objectif, voilà. Et puis, trois actions importantes, on limite le nombre d'actions pour être sûr de bien les réaliser. Ça. Et en fait, vraiment, limiter, tu vois, toutes les listes à rallonge qu'on fait au fur et à mesure. Moi, je fais des listes de ce que je dois faire, les fameuses to-do listes, et je barre au fur et à mesure. J'adore barrer ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'il y en a qui se rajoutent en bas. Donc, en fait, la liste, elle est interminable. Et en fait, aussi, je trouve que ça peut... Ça dépend des personnes, mais ça peut décourager certaines personnes. Ouais. On se dit, ça se termine jamais. Quand est-ce que ça va se terminer ? Et donc, je trouve qu'en fait, c'est important de se fixer de limiter le nombre d'objectifs ou de tâches que tu as, puis quand même t'encourager à te dire bon bah ok, j'ai fait ça dans la journée, c'est très bien. C'est bien. J'ai déjà fait ça. C'est ça. Mm-mm. Ok. Alors, on va faire une deuxième et dernière coupure musicale de ton choix, Shiva. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Du coup, c'est une musique de Kendrick Lamar. Ok. Pareil, c'est une musique que il n'y a pas forcément de comment dire. C'est pas une musique qui t'a accompagnée dans l'écriture du livre ou voilà, pas non, forcément. Non, c'est okay. Vraiment. J'écoute ça depuis là quelques mois et comme quand tu m'avais demandé quelles sont les musiques que t'aimes bien en ce moment, je t'ai sorti. Écoute, super. Donc on va la découvrir et on se retrouve juste après pour la dernière question qui sera sur ton actualité. Bien sûr. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a bop, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure. This world, if it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when, wanna see. If this world, it go in. Your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission, toujours en présence de Shiva Jeyabalan pour son livre « L'écriture pour se réinventer ». Et justement, Shiva, on parlait hors antenne de cette espèce d'envie ou de non-envie d'écrire de manière alors manuscrite, donc manuelle, des personnes en général. Alors, explique-nous justement, toi, ton analyse, c'était plutôt intéressant. Justement, tu disais, parce que les gens vont vite, prennent le temps de rien. Il y a, comme ce que je t'avais dit, c'est qu'aujourd'hui, notre temps de concentration est passé de 12 secondes, du coup, dans les années 2000, à 8 secondes. Et c'était ça aussi qui m'avait fait tilter. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, les jeunes générations ont de plus en plus de mal à se concentrer et nous, les adultes, à se déconnecter, toi, tu le disais aussi. Et comment dire, et ce que je veux, enfin ce que je voulais mettre en avant, c'est que qu'on a besoin de se recentrer par l'écriture. Par l'écriture, et bah, comme je t'avais dit, ça permet de réduire le flux neuronal, ouais. De se recentrer sur l'essentiel. Est-ce qu'il faut apprendre à ralentir ? Moi, je trouve que c'est important. Ouais. Parce que, comme je t'avais dit, on a énormément de pensées dans une journée. Mmh. Et là, avec les réseaux sociaux, Internet, etc., on a encore beaucoup plus d'informations. Il y a une sorte de surcharge mentale et de... sur sollicitation, une hyperconnexion avec tout ça. Et pour pouvoir rester à l'essentiel et passer à l'essentiel, on a besoin de passer par l'écriture. Alors Shiva, c'est quoi ton actualité ? Alors littéraire ou autre ? Est-ce que tu animes des cercles d'écriture ? Est-ce que tu es sollicité dans des établissements tels que des bibliothèques ou des groupes de lecture? Est-ce que tu aurais peut-être un autre livre en cours? Est-ce que tu peux tout nous dire? Pour l'instant, je me concentre sur ce livre-là pour essayer de bien l'amener à un bon public, à vraiment en fait... Est-ce qu'il faut réapprendre ça? Oui, parce qu'en fait, tu vois que de plus en plus, même dans les écoles primaires... Ils travaillent sur des tableaux numériques. C'est ça, des tablettes, etc. Au lycée, ils travaillent avec des PC portables qui sont fournis directement. Oui, bah, en tout cas, quand j'étais en sixième, on nous fournissait des ordinateurs. Voilà. Pour... Et après, on vient dire aux parents, attention, la déconnexion, mais ils sont déjà dessus 8 heures par jour pour travailler. C'est ça. Donc voilà. Donc ton actualité, dis-nous tout. Donc, comme je t'avais dit, je préfère me concentrer d'abord pour vraiment... ramener ce livre à un bon public, etc. Okay. Et de remettre... Mon objectif, c'est vraiment en fait, de ramener l'écriture manuscrite au centre, au cœur du lien à soi et surtout au cœur du bien-être collectif aussi. Okay. Et pour terminer, j'ai mon travail à côté et j'anime aussi de temps en temps quelques ateliers. D'accord. Sur Paris, par rapport à l'écriture manuscrite, mais axée plus bien-être. D'accord, ok. Si jamais les auditeurs ont des questions ou ont envie de te solliciter, sait-on jamais, tu es joignable comment ? Sur les réseaux sociaux ? Principalement, du coup, les réseaux sociaux, vu que c'est un peu plus facile aussi de montrer les pensées que j'ai, etc. Donc oui, via les réseaux sociaux. Et c'est à quel nom ? C'est un peu long. Du coup, c'est le nom du livre, l'écriture pour se réinventer. Ok. Oui. Donc Facebook, Instagram. Instagram. Instagram. Ouais. Et là, tu réponds si on te pose des questions, tout ça, pas de souci. Aucun problème. Ok. Merci beaucoup Shiva d'être venue dans les studios de la radio. C'était un grand plaisir de te recevoir et de découvrir ce livre que moi je trouve incroyable. C'est mon coup de cœur de 2026. Merci. L'écriture pour se réinventer, et je suis tellement d'accord avec toi, remettre l'écriture manuscrite au centre pour apprendre aussi à prendre un temps hors du temps et comprendre aussi ce qu'on ressent. Voilà. C'est tellement... Là, t'as tout résumé. Ben, merci beaucoup, Shiva. Merci à toi. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans Caprice de lecture. Au revoir.